fait l'horloge bien. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas si t'as vu les collègues. Comment il s'appelle? Pourquoi? Mais alors je sais pas pourquoi. J'ai vu notre pote Alexia par exemple. Alexia? Ouais. Ouais. Non, je tu l'as pas revu, pas vu partir quand on est parti. Non, et puis là, je viens juste de ressortir de la vidéo. Ok. Je vais chercher, je vais trouver. Ouais. Si tu vois quelqu'un qui nous cherche, je vais partir. Bah rentrez bien. Merci. Vous y allez à pied? C'est quoi? À pied, vélo? À pied, ouais. Voulez-vous poser à Kruger ou pas? De quoi? Voulez-vous poser à Kruger ou pas? Bisous, à demain! Non, je ne peux pas en prendre avec lui, moi je ne rentre pas en prendre avec lui. Toi ici? Tu es là toi? Eh oui, je suis là. Ouais, c'est bon, okay. Allez, 4, double. Moi je fais 44. 44, et voilà. Et voilà. Bonne nuit. Ouais, déroulé très bien pour passer bien. J'ai l'impression que ça a commencé. Ok, je te conseille de d'être ici pour ta santé. Ça me permettra de me concentrer sur les conventions financières ou alors. Mais bon, on pourra faire d'autres trucs comme ça. Allez.